FrenchPod.com. Attention, attention! J'arrive, écartez-vous! Mais freine! Freine! Je ne sais pas comment! Ah! Aïe! Ah. Allez, debout! Je crois que je me suis fait mal en tombant. On verra ça en bas des pistes. Allez, sur tes skis!